Ô profondeur, faut-il encore l'appeler l'homme? L'homme est d'abord monté sur la bête de somme, puis sur le chariot qu'aux portes des essieux, puis sur la frêle barque au mât ambitieux, puis, quand il a fallu vaincre l'écueil, la lame, l'onde et l'ouragan, l'homme est monté sur la flamme. À présent, l'immortel aspire à l'éternel. Il montait sur la mer, il monte sur le ciel. L'homme force le sphinx à lui tenir la lampe. Jeune, il jette le sac du vieil Adam qui rampe et part, et risque aux cieux qu'éclaire son flambeau un pas semblable à ce qu'on fait dans le tombeau. Et peut-être voici qu'enfin la traversée effrayante d'un astre à l'autre est commencée.